Bonsoir à toutes, bienvenue dans le Roquefort Show sur Radio Biz. Nous sommes le jeudi 9 novembre et ce soir, spécial Musicowise Festival, premier du nom. Bonsoir à vous, mes chers invités. Donc nous avons Thierry, nous avons Jérôme. Salut. Et nous avons Rachid, batteur de Corrosive Elements. Exactement. Il n'est pas venu avec tout le groupe, hein, heureusement, sinon ça aurait fait du bruit. Mais on passera quand même un titre de Corrosive Elements tout à l'heure pour vous faire découvrir. Enfin, en fait, vous connaissez déjà le groupe parce qu'on en a déjà parlé, on en a déjà passé dans l'émission. Mais on va passer en revue toute l'affiche du Musicowise Festival, donc présentée par Thierry et Jérôme. Merci à vous d'être là, d'être présent. Et on parle avec vous. Merci à vous de nous recevoir, c'est très sympa. Et puis surtout restez à l'écoute parce qu'il y a des cadeaux, ils sont pas venus les mains vides. Hein. Alors et ils sont tous venus avec des tonnes de cadeaux dans les mains. D'ailleurs ça rentrait pas dans le studio, hein, mon cher Tom. Ça a eu du mal, mais... Ça défile. 06 81 01 28 34. Ça, ce sera tout à l'heure pour rafler tous les cadeaux qu'on a à vous offrir durant toute l'émission. On a commencé avec quoi, mon cher Tom? Un groupe allemand, il me semble. Oui, Between 69. Tout un programme. Le groupe de l'ancien groupe de Andy Deris, qui est maintenant qui officie dans le groupe que vous entendez là. C'est pas lui qui chante, hein, sur ce morceau, puisque le morceau que vous entendez, c'est Halloween, tiré de l'album Keeper of the Seven Keys Part 1. Mais on va revenir sur Pink Rim 69. Pink Rim 69 qui sort un tout nouvel album qui s'appelle Headstrong, qui sort chez Frontiers très bientôt, puisque ce sera le demain, hein, qui sera en vente dans toutes les bonnes boucheries. Oui, monsieur. Le titre que l'on a écouté, monsieur Tom. Walls Come Down. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Eh bien, il contient 10 titres, plus un CD bonus entièrement live, avec 9 titres live. C'est un album de hard mélodique. C'est leur album anniversaire. C'est le 30e anniversaire du groupe, effectivement, mon cher Tom. Merci de le préciser, le groupe s'est formé en 1987. Bah oui, puisque c'est le 30e anniversaire du groupe, évidemment. C'est bien, tu sais compter. Bah ouais, je compte, mais j'ai pas assez de doigts, hein. J'ai compté sur les doigts des invités exprès, parce que sinon je m'en sortais pas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Eh bien que, effectivement, le premier chanteur de ce groupe s'appelait Andy Deris, et maintenant c'est comment il s'appelle déjà, c'est Redman, hein, qui est au chant sur cet album. Et puis maintenant, bah, on va vous parler de Helloween, que vous entendez en fond sonore. Ça fait quand même 3 semaines qu'on vous passe du Helloween, tout simplement, parce que le groupe fête aussi son anniversaire. Le groupe s'est formé en 1983, et il nous offre une tournée avec tous les membres d'Helloween qui ont formé le groupe depuis ses débuts. Donc on retrouve Monsieur Kai Hansen, on retrouve Andy Deris, on retrouve Michael Kiske au chant également. Et il nous offre ce concert, ça sera le 15 novembre prochain et ça sera au Zénith. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question concernant Helloween. Juste que l'on peut vous rappeler que cet album Keeper of the Seven Chains Part 1 est sorti en 87, si mes souvenirs sont bons, et que le groupe nous vient de Hambourg. Nous allons continuer avec des nouveautés et des groupes qui seront également en concert. Pour tous les amoureux de Rage Against the Machine, nous allons vous parler de Prophet of Rage, qui est en fait une ressucée de Rage Against the Machine. Alors, pas vraiment, mais en tout cas c'est un consortium, on va dire. C'est presque un cover band. C'est même plus qu'un cover band. Oui, mais ce sont des morceaux quand même à eux, hein, des morceaux inédits, des propres compositions. Le groupe nous vient de Los Angeles, donc, et il s'est formé en 2016 avec des membres de Rage Against the Machine, de Cypress Hill, mais également de Public Enemy. Donc on retrouve tout ce beau monde qui nous a concocté un magnifique album très fusion, donc qui devrait beaucoup te plaire, mon cher Tom. Et surtout, le groupe sera en concert à Paris, au Zénith, le 10 novembre, c'est-à-dire demain. Voilà, bon, je pense que le concert est quasiment complet. Ouais, il y a peut-être des places sur place, c'est tout. Ouais, peut-être, mais bon, je suis pas sûr et certain. Nous enchaînons ensuite avec quelque chose de beaucoup plus Morbid brutal. Morbid Angel, tiré de leur tout nouvel album qui n'est pas encore sorti, qui sortira le 1er décembre. L'album s'appelle Kingdoms Disdained et normalement il devrait sortir chez UDR Music, mais selon une filiale de UDR Music. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, Forno Master. Yes, c'est ce que je dis pas d'ici parce que vu qu'on l'a remarqué plus tard. Voilà, et le groupe sera donc en concert le 16 novembre. Le 16 novembre à Paris. Au Trabendo. Nous enchaînerons ensuite avec Cannibal Corpse. Cannibal Corpse qui nous a sorti... On vous a déjà passé des extraits de cet album, Red Before Black. Et ben, on vous a choisi le titre éponyme ce soir. On a fait dans l'originalité. Ça sort chez Metal Blade le... C'est sorti la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Hein, c'était vendredi dernier, le 3 novembre. Et l'album contient 12 titres. Et dans sa forme digipack, il contient un deuxième CD bonus avec... 7 covers, dont on retrouve des covers de Motorhead, Metallica, je crois qu'il y a une cover de Twisted Sister également. Enfin bref, vous en avez pour votre argent. Le groupe s'est formé en 1988, ils nous font du death metal, mélodique, ouais, il y a de la mélodie quand même. Ils nous viennent de Buffalo, États-Unis, et ils seront en concert à Grenoble. Je te laisse annoncer les dates, mon cher Tom, ou tu les as pas sous les yeux ? Je les ai pas sous les yeux. Tu les as pas sous les yeux. Je les ai pas préparés. Le 1er mars à Grenoble, à la Belle Électrique. Le 7 mars, ils seront à Saint-Étienne. Mais avant ça, je crois qu'ils seront à Toulouse le 2 mars, au Métronome, c'est ça. Et ils seront au fil donc à Saint-Etienne le 7. C'est pas moi, hein, c'est pas chez moi qu'ils sont. Et le 8, ils seront à Caen au Cargo. Voilà, pour ce qui concerne Cannibal Corpse. Nous enchaînerons ensuite avec quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus différent, beaucoup plus blues aussi, puisqu'ils le portent également dans leur nom. C'est Blues Pills. T'en fous, t'es Blues Pills, mon cher Tom? Ah ouais. Non, pas vraiment, pas encore à ton âge. On va demander à nos invités autour de la table. Il vous faut des Blues Pills, les invités, ou pas? Hein? Non? Oui? Non? Non, pas encore. Bon. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom. Bliss. Bliss, sorti chez Neckerblast le 3 novembre dernier également. Et l'album s'appelle Last in Gold Live in Paris. Donc c'est un live à Paris, bien entendu, qui a été enregistré récemment. C'était au Trianon le 30 octobre 2016. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Il a été enregistré devant 1200 personnes, je crois. Et puis c'est tout. C'est du blues rock. Ils nous viennent de Suède et c'est très très bon. On vous donne le top, mon cher Tom, pour envoyer la musique. Quand et on se retrouve tout de suite après avec le Musicowise Festival. Premier du nom, musique. Self and thrive, will he survive? Cybermetric hat trip, trip on a backflip. Molotov matchsticks with Bernie Calabasas. Thanks to clowns, Jimmy C wrapped in the shroud. Strapped on the SoundCloud, body on my powwow. No ifs, no whats, no who's, no hows. Support the crazy horse. We'll be right back. Bernie, t'inquiète, on est prêt. Puis on va te voir demain soir, Bernie. Donc on est prêt. En plus, on t'a vu hier soir en plus. Et puis depuis lundi, on n'arrête pas de te voir. Et toi, tu y étais. J'y étais hier. Je sais plus quand est-ce que j'y étais. J'y étais un jour. En tout cas, j'y étais. Je sais plus quand, mais j'y étais. Allez, qu'est-ce qu'on a écouté en ouverture de cette plage musicale? On a d'abord écoutez Prophet of Rage. On a enchaîné avec Morbid Angel et on s'est planté parce que merci à nos invités de nous avoir renseigné sur le fait que le concert a été annulé pour une sombre histoire de visa. Voilà, c'est inadmissible qu'un groupe international comme ça se laisse prendre par... Alors, est-ce que c'est la vraie raison? Ou est-ce que ce serait pas on n'est pas bien payé, ou le concert est pas complet, ou je sais pas, moi je me pose des questions quand même, parce que je trouve que c'est gros quand même. Le groupe devait jouer donc le 14 et non pas le 16 comme je vous l'ai annoncé, et la tournée donc européenne a été annulée, sauf l'Angleterre me semble-t-il, d'après ce que j'ai... On voit la date française annulée et les dates anglaises, on ne sait pas. Et les dates anglaises, on ne sait pas, d'accord. Mais en tout cas, apparemment, nous on est vraiment à la rue, parce que ça a été annoncé apparemment le 21 octobre. Mais bon, c'était annoncé sur le... C'est des concurrents, donc on va voir ici. Voilà, et puis ça a été annoncé sur le site en fait de Morbid Angel, donc... On n'a eu aucun communiqué de presse qui est arrivé dans notre boîte. Donc voilà, ceci explique un petit peu cela. Pour être complet, tout à l'heure, j'ai pas précisé que pour Blowspills, donc après Morbid Angel, on a écouté Cannibal Corpse, et après c'était Blowspills qu'on vient de quitter avant de rejoindre Trust. L'album, donc, c'est surtout un DVD qui s'appelle Lady in Gold Live in Paris. C'est un DVD Blu-ray qui va sortir et qui va vous faire mal. Non, qui est sorti, puisqu'il est sorti le 3 novembre. Voilà, ça c'était pour être complet. Maintenant, on repasse sur Trust. Trust qui a entamé sa petite tournée parisienne. Je parle pas de la grande tournée européenne ou française ou ce que vous voulez. Je parle de celle qui a commencé le 6 lundi soir. Qui a commencé où c'était au Bus Palladium. C'est ça, ouais. Bus Palladium. Ensuite, ils ont fait la maroquinerie. Bus Palladium complet. Maroquinerie complet. Bataclan. Ah, pas complet. Trianon ce soir. Et puis demain, Élysée-Montmartre. Élysée-Montmartre est complet. Donc, soit vous y allez ce soir. Et donc, ça sert à rien que je vous le dise puisque vous êtes en train de nous écouter. Ou alors, vous nous écoutez pas et ça sert à rien aussi que je le dise. Mais demain, Élysée-Montmartre, vous pourrez pas y aller non plus puisque c'est complet. Putain, c'est con en fait, hein. Trust. Allez, Trust, le morceau c'est Démocratie. Ça a été enregistré au Hellfest en 2016. Hein. Et c'est un morceau inédit que vous allez retrouver sur le prochain album. Sachez que le DVD live sort. Il est sorti le 3 novembre. Qu'est-ce qu'il y a eu comme chose de sorti le 3 novembre? Il contient 9 titres live, l'intégralité du show du Hellfest. Nous, on l'a vu la semaine dernière. Et ma foi, les images sont splendides. Je l'ai vu avec Pascaline. Ouais, c'était très bien. Alors, le son est très bon, les images sont très belles. Maintenant, j'ai un petit bémol, c'est-à-dire que sur le DVD, on ne voit que Bernie et Nono. Je trouve ça un petit peu léger, parce qu'il y a quand même 3 autres musiciens dans le groupe, et ça aurait été bien de les voir un petit peu plus, quand même. On les voit juste sur le morceau Démocratie que vous êtes en train d'écouter. Voilà. C'était mon petit coup de gueule, quand même, parce que je pense que quand on est un groupe, surtout quand on prône la démocratie, ça serait bien aussi de filmer et de mettre sur le DVD tous les membres du groupe. Voilà. Sur ce, nous allons parler du Music Hawaii Festival qui aura lieu le 25 novembre. Ce sera à Crône, dans le 9-1. Exactement. Hein. Alors, Jérôme, je vais te laisser en parler et je vais te laisser présenter l'idée déjà, comment a germé cette idée, parce que Music Hawaii, on connaît, hein, c'est un magazine, mais gratuit. C'est un média, oui, qui va se retrouver à la fois sur le net, donc des numéros sous format JPEG et PDF via la page Facebook et le site net. Et de l'autre côté, on va retrouver ce qu'on appelle, nous, le Flyerzine, donc qui est un petit fascicule de plusieurs pages qui peut monter même jusqu'à du 96 pages pour une affiche, un événement particulier donc qui va être distribué le jour J de l'événement sur site pour animer un petit peu l'entrée par exemple d'un fest, etc. Donc c'est de la bonne lecture et ça se passe plutôt très bien. Puis à côté de ça, on a développé un petit peu, donc on a aussi développé un label, hein, on a signé Carpathian Relic, on essaiera de vous fournir quelques CD aussi à gagner dans l'émission. Et nous avons aussi décidé de renouveler l'expérience de l'année dernière pour faire un festival, mais on s'est dit qu'autant garder le nom du média, donc le Music Hawaii Fest, et puis on espère que ce sera le premier d'une longue série. Voilà. Bah, on vous le souhaite en tout cas, parce que c'est toujours bénéfique d'avoir des nouveaux médias qui créent des événements, parce que en plus de ça, il y a pas mal de groupes français sur cette affiche, on va la découvrir tout à l'heure, et c'est bien de faire jouer les groupes français. C'est important, il y a beaucoup de talent chez nous et je pense qu'il faut exploiter celui-là avant d'aller chercher à l'étranger ce qu'on a déjà de bien chez nous, quoi, je pense. Alors on va parler un petit peu de cette affiche. Comment est venue l'idée en fait de faire cette affiche-là, celle-ci, avec ces groupes-ci? Parce qu'il n'y a pas que des groupes français. Hein, on y a, sur les 8, il y en a un qui est italien en effet. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et le lieu, pourquoi ce lieu? Pourquoi à Crohn? Comment s'est fait tout le démarchage, tout ça, quoi? Alors, l'histoire, c'est que donc, cet événement là, de cette année, est né sur les cendres du Thrillseeker Fest de 2016, donc qui était plutôt une affiche underground axée sur des groupes, on va dire extrêmes, voilà, qui était très bien. D'ailleurs, c'est un des styles qu'on affectionne. Mais cette année, on a voulu aller chercher le côté hétéroclite au niveau de la musique métal. Hein, parce que là, il y en a pour tous les goûts. Hein. Là, il y en a pour tous les goûts. C'était l'idée, voilà, c'était d'apporter le côté familial, quoi, et puis le côté amical aussi, que tous les styles puissent se retrouver ensemble, que ce soit des gens qui sont plutôt orientés death, que trash, que speed. Voilà, tout le monde sait. Je croyais que tu allais dire les vieux et les jeunes, quoi. Non, tu peux, bah, de toute façon, ouais, on a les deux. Oui, parce qu'on a quand même un groupe de la scène française qui est là depuis très longtemps. Exact. Avec ADX. Voilà. Et le groupe italien aussi qui est là depuis très longtemps. Ouais. Extrema, mais lui qui est plus sur du trash. Voilà, c'est des groupes qui sont peut-être suivis d'une certaine façon depuis des décennies. Puis... On a du hardcore aussi. On a du hardcore. Avec Full Throttle Baby. On est assez, ouais, hétéroclite, on est vraiment très content parce que c'est vraiment large. Et ce qu'on a voulu aussi, c'était amener ce côté un peu large d'esprit aussi, quoi, au niveau de la musique. Quoi, métal, bien sûr. En fait, chez Musicoy, on parle de tous les styles de métal, et même des fois pas que de métal. Mais du coup, c'est pour ça que cette année, par rapport à l'affiche de l'année dernière, qui était vraiment très, on va dire, dans une seule façon de faire du métal, une seule veine de métal, cette année, on a décidé d'ouvrir un peu tout ça, pour permettre à plus de monde de venir et de découvrir d'autres choses, parce que l'idée, c'est de faire découvrir des styles que les gens connaissent pas forcément. Alors, on va en parler, et on va commencer avec la tête d'affiche. Tout à fait. Ah, puisque vous avez mis à l'honneur un groupe en trois lettres que l'on chérit dans cette émission, qui commence par A, qui finit par X, avec un D au milieu. Je pense que vous avez tous deviné de qui il s'agit, les Franciliens de... ADX. Voilà, comme ça me permet de pas le dire moi. Alors, monsieur. Parce voilà. Que Tom il me charrie à chaque fois, et puis il faut que je mette un euro dans le nourrin à chaque fois que je dis le nom. Alors ça commence à faire beaucoup. Donc tout à l'heure tu parlais. Non, mais il est cité dans l'émission, donc à partir du moment qu'il est cité, tu mets un euro. Donc là, il l'a pas dit lui. Voilà. Donc c'est. Cette année, donc on a mis ADX en tête d'affiche, mais on a été plus loin que la tête d'affiche. Oui. Même puisque le but était aussi de mettre à l'honneur ce groupe, hein, qui est quand même un des pionniers de notre scène métal, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, je pense que ça a marqué des générations et ça en marque encore aujourd'hui. Et on a voulu cette année aussi mettre en avant un petit peu plus que ce qu'est le groupe, mais au travers de regards d'autres personnages qui tournent et qui gravitent autour du groupe. Donc il y aura Olivier, leur photographe officiel, qui va venir exposer. On va avoir aussi Pierre-Marie qui va venir exposer les guitares, donc de Pelletier Guitare. Et on aura l'honneur aussi de découvrir la toute nouvelle guitare de Beethoven qui va être présentée. Beethoven. Alors il fait gagner sa guitare, je crois. Non, non, ce serait trop beau. Là il va nous appeler. Ah, scandale. Voilà, donc le but était vraiment de mettre vraiment tout cet espace aux couleurs vraiment du groupe, quoi. Voilà, il y aura plein d'autres surprises aussi. Bah, la surprise quand même, on peut le dire, c'est que vous avez demandé à ce que le groupe joue donc, l'intégralité du premier album. Voilà, exécution, donc qui va être relayée aussi donc à la fois sur scène, hein, par un très très beau set qu'ils sont en train de nous préparer, nous concocter. Donc j'ai eu Beethoven pas longtemps au téléphone qui m'a dit que ça roulait bien, que les répètes tournaient bien et que le groupe était vraiment très très heureux de faire sur scène. Et la petite originalité, c'est qu'il y aura aussi en exclusivité au Fest la toute première bière ADX qui s'appelle La Exécution aussi, qui sera disponible. Et il y aura aussi je pense quelques bières à gagner dans l'émission tout à l'heure, mais ça c'est une autre histoire. Alors attention, buvez avec modération mais avec des amis, hein, ça c'est très important. Tout abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais la bière, est-ce que c'est de l'alcool? C'est pas c'est pas trop. Alors, ADX, ce soir on vous a choisi le morceau Caligula, tiré de l'album Exécution, bien évidemment, puisque ils vont le jouer sur scène, hein, puis ils le jouent quasiment à tous les concerts, puisque c'est en général, alors on a vu au Hellfest que c'était le morceau qui avait ouvert le Hellfest en 2009, je crois, mais en général c'est le morceau qui clôture, parce que ça bastonne pas mal, et voilà, ça... Alors là, je ne sais pas dans quel ordre ils vont le mettre. Est-ce qu'ils vont le mettre en ouverture, en fermeture? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que l'album était sorti chez Devil's Records à l'époque. Le feu Devil's Records. Et sachez qu'ils seront dans 15 jours, enfin dans une dizaine de jours, chez Ultra Rock. Oui, exact, puisque le Music Away il a déjà oublié. Festival se déplace chez nos amis. Hein, ce ne sont pas nos concurrents, ce sont nos amis. Nous ouais, saluons des fois, Stéphane. Des fois, je me pose des questions. Hein. Stéphane, l'homme qui mange des bonbons. Ah, ça. Si vous avez des caries, c'est grâce à Stéphane. Hein. Voilà, donc Music Away ira d'ici une dizaine de jours. Ah bah c'est bien, j'apprends des choses. C'est le 19, oui, en effet. C'est le 19. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi à dire? Ce qui me semblait qu'il y a... Ah oui. Donc ADX jouera également le 11. Donc c'est samedi. Ce samedi jouera le 11 avec MF Crew et Rapture Farm pour en hommage aux victimes du Bataclan. On vous en reparlera un petit peu plus tard dans la soirée. Voilà, donc c'est le 11 novembre et c'est au Backstage by the Mill à Paris, bien entendu. Nous enchaînerons ensuite avec Blazing War Machine. Alors je vais te laisser en parler et après on dira ce que l'on diffuse. Bon, là je vais laisser Rachid en parler, il a envie d'en parler. Vas-y Rachid. Rachid, si batteur de Corrosive Elements. Yes. Bonsoir à toi. Bonsoir. Blazing War Machine, c'est le groupe de Frankie Costanza, ex d'Agoba, donc grand batteur français. Tu peux dire que t'es fan ? Je ne suis pas fan de ces groupes. C'est pas dans mes goûts, mais je suis fan du jeu du bonhomme. C'est ça que je parlais. Oui. En tant que batteur aussi. Oui, puis j'ai la chance de l'avoir côtoyé. Et vu que le personnage est vraiment authentique, et c'est un bon gars. D'ailleurs, je crois qu'il y aura une interview de Frankie à lire dans le numéro Hellfest bientôt. Tout à fait, dans quelques jours, oui. Le numéro du spécial Hellfest va sortir. Vas-y, continue. De Music Away. Tout à fait. Allez, de musique. Blazing War Machine, le groupe s'est formé en 2005 avec deux ex d'Agoba, parce qu'il n'y a pas que Frankie. Hein, oui, il y a Zakar aussi. Et ils nous font un espèce de. Black metal industriel. Voilà. Hein, donc c'est un sextet, ils sont 6 dans le groupe. Et le morceau que l'on va écouter ce soir, c'est Polarity. Il faut saluer aussi la performance au chant qui est effectuée par une femme. Oui, exact. On n'a toujours pas assez de représentantes dans le métal extrême, donc il faut saluer... Ce soir, on va en avoir. Hein. Oui. Parce que au Music Away Festival, il n'y a pas que une seule femme qui chante. Ah non, il y en a une seconde, ouais, au moins. On va en parler tout à l'heure. Donc Polarity tiré du single, parce que bien entendu, Blazing War Machine nous distille des titres comme ça au compte-gouttes. Oui, c'est un peu leur marque de fabrique. Ils font pas des albums complets, mais plutôt ils sortent un packaging. Des clips. Hein. Clip single, ils se font plaisir comme ça. Donc ça, c'est une autoproduction de 2015 et on va vous faire découvrir ça ce soir. Le groupe vient de Marseille, bien entendu, hein, puisque... ils sont issus tous de là-bas. Je pense, hormis la chanteuse. La chanteuse qui est bien un peu plus loin à l'est. Alors tout à l'heure, on a parlé de Full Throttle Baby. Alors là, pour moi, c'était une petite énigme, hein, parce que je ne connaissais absolument pas le groupe. Donc je vais vous laisser en parler et j'annoncerai le titre tout à l'heure. Ok, alors Full Throttle Baby, c'est un groupe qui s'est fondé par des gens qui travaillaient dans une salle bien connue de la région parisienne, qui est le Forum à Vauréal. Mmh. Et tous ces gens-là se sont mis à jouer ensemble. Au départ, c'était un trio qui n'avait pas de chanteur. Et comme ils travaillaient dans la salle à côté des gens de Bukowski, le bassiste de Bukowski, ça l'a intéressé ce qu'ils jouaient. Il s'est mis à chanter avec eux. Et ils ont fait deux EP en 2014-2015. Et là, ils vont sortir leur premier album dans très peu de temps. Et on est très contents de les avoir parce que c'est un groupe qui est très énergique et qui vraiment amène une touche différente par rapport au reste du festival. C'est du hardcore, hein, y a pas de souci. Ça parle de mobilette, ça parle de bière et ça envoie. Ouais. Ça envoie vraiment du bois. Ça s'appelle Snap It, le titre qu'on vous propose de découvrir ce soir, et c'est tiré de l'album Rock and Brawl, qui devrait donc sortir chez Elle Productions en 2017. Donc d'ici la fin de l'année, me semble-t-il. Non, il est sorti. Il est sorti. D'accord, très bien. D'accord, je l'ai raté, merci. Bon, bah voilà. Il est sorti. Hein. Donc voilà, on en apprend aussi tout dans le Rock for Show. Hein. Mais là, il y a eu tellement de sorties que de celle-là, tu vois, je ne l'ai pas vu passer. Et ensuite, nous allons passer au groupe italien dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Extrema et qui existe depuis le début des années 80. Hein, c'est ça, puisqu'ils se sont formés en 1986. Oui, c'est un groupe qui est là depuis un sacré moment, qui a fait quand même des sacrées tournées hein, dans le monde avec des grands groupes. Hein, mais ça, je vous laisserai découvrir avec qui ils ont pu tourner. Hein, ça vous permettra de connaître un peu plus le groupe en cherchant vous-même, cher auditeur. Alors, c'est quel style ? C'est du trash. Trash. Et c'est du trash old school, puisque oui. Le EP s'appelle The Old School. Exactement. Et le morceau que l'on va écouter ce soir s'appelle Carcasse. Alors, est-ce que c'est Carcasses ou Carcasse ? Est-ce que c'est un titre en français ? Parce que ça s'écrit comme en français, mais au pluriel. C'est en anglais, ils chantent en anglais. Ils chantent en anglais. Mais voilà. Ils ont choisi en français, quoi, un titre français, Carcasse, donc. Ça sort chez Punishment 18 Records, c'est sorti en 2016. Voilà, du trash metal. Formé en 1986, le groupe est italien, il nous vient de Milan. Milano. Exactement. Eh bien, je crois que je vais vous laisser en musique. Vous pouvez nous appeler au 06 81 01 28 34. Si vous voulez rafler un t-shirt de Music Hawaii Festival. Un pour l'instant. Un seul. Non. Et attention, c'est ça. Oui, on en fera gagner deux. Voilà, mais pour l'instant, on en fait gagner un. Un à la fois. Un à la fois. Et puis la semaine prochaine, on en regardera peut-être un pour faire gagner la semaine prochaine. Ouais, parce qu'il faut qu'on en parle encore la semaine prochaine, il me semble. Hein. Parce que c'est que le 25, le festival, donc on a encore le temps d'en parler. Du coup, ils disent 3 t-shirts en tout. Ouais, d'accord. Un plus pour moi, ça fait 4, plus toi, ça fait 5. Mais parce que moi, il m'en faut un la semaine prochaine. Non, mais toi, il t'en faut un double, t'as grossi. Hein. Oh, salaud. Allez, on envoie la musique 06 81 01 28 34. Si vous voulez rafler un t-shirt, attention, vous le raflez, mais vous allez le chercher au Music Hawaii Festival. Musique. We'll be right back. toujours à l'écoute du Rock for Show sur Radio Biz. On n'a pas salué notre patron. Salut Eric. On lui fait des poutous. Qu'est-ce qu'on lui fait? Des tabernacles. Des poutous partout. Des poutous partout. Des bisous. T'es pas partout. Hein. Toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, pas partout. Hein. Tu non, salues, ça, les joues, mais les celles du haut, pas celles du bas. Les ceux du lundi soir aussi. Comment? Et ceux du lundi. Ah oui, alors Metal Invasion, c'est ça. Ouais, Metal Invasion. Ah oui, alors Metal Invasion, qui est une radio web également, qui relie le Rock for Show et qui rediffuse le Rock for Show tous les lundis soirs. Voilà. Donc on les remercie. Vous avez eu des actualités qui sont passées ce week-end, chers amis de Metal Invasion. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle MF Crew. On vous en a parlé tout à l'heure, ils sont en concert et ils organisent, c'est eux qui organisent, le 11 novembre au Backstage by the Mill avec ADX et Rapture Farm. Ça s'appelle Old Friends from Paris. C'est en hommage aux victimes du Bataclan. Toutes les recettes seront reversées à l'association qui s'occupe donc de... qui a été monté après l'attentat du Bataclan pour les victimes du Bataclan, les malheureuses victimes du Bataclan. L'ouverture des portes, c'est à 18h samedi, et il y aura une tombola avec des disques, des t-shirts, il y a plein de choses à gagner que les groupes mettent en jeu, mais également les exposants vont mettre en jeu, et puis tous les partenaires du festival vont mettre en jeu pour vous à travers une tombola. Donc je n'ai pas le tarif de la tombola, mais je crois que ça doit être 2€, je crois, ou 2 ou 5€ le ticket. Et c'est donné à ce prix-là. Vous pourrez rafler tout un tas de goodies, de cadeaux, de CD. Et donc toute cette recette sera reversée également à l'association qui s'occupe des victimes du Bataclan. Nous repartons sur le Music Away Festival, premier du nom, qui aura lieu à Crône dans le 91, le samedi 25 novembre. Nous avons déjà découvert le haut de l'affiche avec ADX, Blazing War Machine, avec Full Turtle Baby et Extrema, que l'on vient d'écouter à l'instant. Et nous allons continuer avec le reste de l'affiche, mais avant ça, on va poser quand même quelques petites questions à Thierry, Rachid et Jérôme, à savoir combien contient cette salle, et présente-nous un petit peu la salle, parce qu'il y aura des choses dans la salle et il y aura des choses à l'extérieur de la tout salle. Tout à fait, donc l'espace René Fallet donc, se trouve à Crône, donc c'est une salle qui a une contenance de 800 personnes environ. Pour le festival, elle sera réduite à 650 simplement par le fait que dans la salle se tiendra également donc, le bar et donc, les tables, le merch voilà, de tous les groupes, plus la présence d'Eli Posser qui sera là avec un très beau stand. Vous pourrez, et je crois ouais, qu'il va vendre les toutes premières bières ADX. Voilà. Donc ce sera plutôt sympa. Il y aura aussi Pascal avec son merch, les bagous, qu'on met au doigt, les pots gobelets, tout ça. Donc ça va être vraiment très sympa. Donc dans l'entrée, qui est une très grande entrée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en préambule, on va retrouver un ensemble d'expos, voilà, avec les photos d'Olivier, qui suit maintenant ADX depuis un long moment. Et qui est également guitariste de Factor 8. Exact, tout à fait. Ah, tu connais bien ton. C'est bien. Et il y aura aussi donc PMC, il y aura aussi quelques surprises, voilà, et ça va vraiment être sympa. Et sur le parvis, parce qu'on a un très beau parvis, on va retrouver donc un petit stand. À manger, Un petit stand donc qui sera tenu par un traiteur. On fera l'annonce prochainement. C'est un traiteur qui est assez reconnu au Hellfest, donc il nous fait l'honneur d'être présent. Donc, pour une dizaine d'euros. Marc Vera. Ah. Non, les chapeaux, ça rentrait pas. Bon, voilà, donc en gros, pour une dizaine d'euros, vous pourrez manger comme chez un chef. Voilà, sincèrement, du très bon poulet, il y aura aussi des très bonnes frites, il y aura des gaufres maison, il y aura vraiment, il va tenir un beau stand, plus aussi bien sûr on n'oublie pas nos amis végétariens qui auront droit aussi. Il est breton à des bons non, il est pas breton. Non, parce qu'il aurait pu nous faire des galettes saucisses parce que nous on va en Bretagne et on n'arrive pas à les manger. Oh, parce qu'il y en a pas. Il y en a un qui a été au Samaï, non ? Qui a goûté bah oui, bah voilà. Oui, bah oui. C'était bonne là-bas. Très très bon, ouais. Très très bon, les galettes étaient vraiment très très bien faites. Et pareil, c'était un cuistot qui les faisait, c'était super sympa. Voilà. Le prix d'entrée. Alors le prix d'entrée, cette petite joyeuserie. Donc pour gagner un petit peu de sous, vous pouvez le prendre en prévente à 16 euros sur With Event ou chez Rock'n'Roll Voltage sur Paris. Avec des beaux billets. Avec des beaux billets. Voilà. Et puis aussi au Tabac Press de Crône, parce que bon, on aime bien aussi faire fonctionner le local, hein, comme la salle est à Crône. Forcément, on fait fonctionner le commerce local. Voilà. Donc. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce festival. Donc tout est fait pour que ce soit une bonne ambiance. On parle de mobilier, mais on peut quand même dire que l'affiche est très talentueux. Exactement, on allait donc en parler, mais tu me demandes, c'est bien mon titi. Viens Thierry, viens Thierry. Et donc on vient de faire un toucher de doigt. À toi. Non, le relais est passé. Et donc oui, en effet, donc c'est un artiste très talentueux qui... Donc je vais vous parler donc de Beauf Chaos, hein. c'est le nom d'artiste qui l'utilise et qui travaille pour des grands groupes comme Phare par exemple. Dernièrement il a travaillé pour il a fait un t-shirt pour Swan Throne, il me semble bien. Faut aller le voir, hein, donc pareil, on mettra tout sur l'événement. On va faire un post sur ce bel artiste, hein, qui nous a fait une magnifique, voilà, qui fait pour nous partie de l'équipe, quoi. Il nous soutient depuis les débuts et on le remercie, chaleureusement par rapport à tout ce qu'il fait pour nous, quoi, clairement. Ouverture des portes. Alors. Ça, c'est un petit peu différent de l'année dernière. Cette année, on a décidé de mettre à l'honneur donc, nos exposants. Et donc, on ouvre à midi. Midi pour un début des concerts à 13h. Le but étant, c'est de laisser le temps à nos festivaliers de se mettre au chaud, de se prendre la bonne bière qui va bien, de commencer à regarder un petit peu ce qui est exposé et puis de manger un petit bout avant de lancer les hostilités. Donc, ce sera donc convivial une heure avant le début... du festival. Donc. Alors, contrairement à d'habitude où je vous dis gardez votre argent et dépensez-le au merch des groupes, là je vous dis bah, vous pouvez aller consommer, boire, manger, puisque ça rentre dans les caisses du festival et non pas dans le loueur qui loue la tout salle fait, en général, comme nous pouvons le voir à Paris. Il n'y a quasiment qu'en banlieue et en province où on voit encore aujourd'hui des salles où la buvette n'est pas tenue par le loueur de salle. Donc c'était à préciser, et là vous pourrez aller consommer, et ça me fera bien plaisir. À noter en plus que la bière qu'on va vendre pendant le festival est une bière locale. Donc c'est la Parisis, hein, tout simplement, c'est fait à 5 km de la salle, c'est une très bonne bière, donc il y aura de la bonne de blonde, il y en aura deux, il y aura vraiment deux goûts différents, une bonne blonde Parisis et puis une bonne IPA, parce que l'IPA c'est la vie, quoi. Très bien, allez, on va reparler maintenant des groupes du reste de l'affiche. Il y a un groupe qu'on ne pourra pas diffuser ce soir parce qu'ils n'ont pas encore sorti de leur CD, ils sont en train de l'enregistrer. Ils sont sur la fin là. C'est dystopie. Tout à fait. Donc ce soir, on va vous parler du reste de l'affiche en commençant par Folker. Exact. Donc tout à l'heure, on parlait de voix féminines qui représentent bien notre scène. Là, il y en a encore une très belle de voix. Donc ils sont là depuis quelques années maintenant. Quelques petites années. C'est vraiment un groupe qui est pour moi à part, vraiment à part, et qui a vraiment son univers. Alors ils sont français, ils nous viennent de Bordeaux, c'est bien ça ? Alors une partie vient de Bordeaux, une partie est parisien, c'est pareil, maintenant c'est la tendance des groupes, on vient des quatre coins de France, mais c'est un groupe qui est marquant, et puis... Formé en 2014, donc récent. Oui, mais les musiciens sont issus de plusieurs formations plutôt orientées métal extrême, mais ils ont décidé de s'allier pour faire un autre style et ça le fait plutôt bien. Donc c'est un crossover, on va dire. C'est sorti, l'album qui s'appelle Dead Doll est sorti chez Overpowered Records en 2017. Donc ça, c'est tout récent. C'est un album de 12 titres. Ce soir, on vous propose de découvrir Voodoo Baby pour vous, dans vos oreilles, dans votre casque, dans le Rock for Show. Nous enchaînerons ensuite avec Corrosive Element. Yeah. Et là, je crois que c'est Rachid qui va nous en parler. Je pense qu'il en cause pas trop mal. Hein. On va voir. On va aller. À toi, Rachid. Bon, allez, je vais faire vite. Hein, parce que je crois qu'on n'a pas. Alors, c'est le cogneur du groupe. Hein. Alors, on lui montre quand même un petit peu de respect. Parce que sinon, ça fait mal. Donc, Corrosive Element, c'est un groupe que j'ai formé en 2005. On est dans un registre death thrash assez old school avec une bonne dose de rock'n'roll parce que c'est important que ça groove. Voilà, donc on est là dans l'underground depuis un paquet d'années. On a fait pas mal de choses. On a sorti. On n'est pas très prolifique au niveau sortie d'albums, mais on fait beaucoup de live. On est plutôt un groupe de live. On a la chance d'être sur deux créneaux, c'est-à-dire on joue sur les petites dates et on a réussi aussi à faire des beaux festivals tels que le Hellfest en 2016. Donc c'est une belle aventure humaine et voilà, on vous invite à venir découvrir ou redécouvrir. Combien d'albums au compteur ? Oh, on n'a qu'un seul album et un EP. Mais un bon ! Oui. Sorti en 2015. C'est ça, et on vous prépare la suite qui va être aussi percutante. Il s'appelait comment cet album ? Toxic Waste Blues. Bah, bien sûr. Et le titre que l'on va découvrir ce soir, est-ce que tu... A Premium Carnage. Et voilà, tout à fait. Mais c'est tout un programme. Ah oui, oui, oui. Alors, ça ne fait pas dans la dentelle. Non, c'est une bonne critique des médias et de la société de consommation. On n'est pas des donneurs de leçons, mais bon, on s'inspire des actualités, de ce qu'on voit autour de nous pour écrire. Donc dans le prochain album, on va avoir du Trump, on va avoir du côté écolo. Ah bah ça, on va avoir les Paradis Papers. Du vegan. Du vegan aussi. On est là pour foutre le bordel, on n'est pas là pour faire de la dentelle et caresser les gens dans le sens du poil. On est là pour taper sur la table et dire que ça va pas. Allez, du bon test trash, le groupe s'est formé en 2005, c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. Et donc à Paris. On terminera cette programmation avec Lurking. Là aussi, on retrouve une chanteuse. Oui. Qui nous en parle ? Allez, Rachid, encore toi. Allez, ce sont de bons amis, donc j'accepte volontiers. On les voit pas mal en ce moment hein, sur Paris. Oui, c'est un peu la même mentalité que dans Corrosive, c'est-à-dire on est dans des optiques plus pour du live, partagé avec les gens. Donc ce sont des baroudeurs, on va dire, toujours sur scène. Ça fait plaisir de les voir aussi actifs. L'album, enfin le EP, s'appelle Nightmares Vision. Oui. Et le titre que l'on va découvrir ce soir, c'est Dimensional Wargs. Oui. Ah, tout un programme aussi, sorti en 2016, c'est une autoproduction. Mmh. Allez les voir, hein, parce qu'il faut soutenir aussi les groupes... alors, ça pourrait être une signature de chez Musicaway Productions, ça, non ? Ça pourrait, oui. Hein ? Ça pourrait. Et voilà, pas convaincu. Les pieds dans le plat. On met des couteaux sous la gorge. Si. Leur dernier EP est juste titanesque hein, par rapport à... Il y a un gros gap entre l'album et l'EP. Grosse évolution. Dans tous les points de vue, d'ailleurs. Oui. C'est du trash death. Le groupe s'est formé en 2007. Ils nous viennent de Paris. Et vous allez écouter ça. C'est pas la première fois qu'on vous en diffuse dans le Rock for Show. Parce qu'on a un petit peu craqué. Moi, j'étais les voir 2-3 fois en concert. Et j'avoue que à chaque fois, je vois un petit peu l'évolution du groupe et je me dis que ça peut donner quelque chose de pas trop mal avec l'expérience. D'autres choses à rajouter sur le Musicowide Festival, on vous le rappelle, c'est le samedi 25 novembre à Crône, donc pas très loin de Paris. On y va comment ? On peut y aller avec les transports en commun, c'est pas invité par les corbeaux. Hein. Quelle ligne ? RERD, c'est pas loin de Paris. Il faut se bouger. On est à combien à peu près de Paris ? 17 kilomètres. 17 kilomètres, 25 minutes. Et surtout, il faut dire une chose, c'est qu'on a prévu que le festival s'arrête à une heure où il y a encore des transports. Oui, voilà, ça laissera deux voire trois RER dans les deux sens, en direction de Melun et de Paris. Très bien. Alors, voilà. Si vous allez au Hellfest, si vous allez au Wacken Open Air, si vous allez au Grass Pop, si vous allez partout, pourquoi ne viendrez-vous pas au Musicowide Festival ? Bah oui, c'est juste à côté de chez vous. C'est là. Il y a... que des bons groupes. Et, puis, et en plus, il y a plein de choses autour. Et c'est au centre-ville, donc on n'est pas, ça va pas être paumé dans la pampa. Hein. Exactement. Voilà. Alors pour vous enjoindre à venir encore plus, on vous fait gagner, on vous le rappelle, ce soir au 06 81 01 28 34. Merci Tom. Je me réveille, excusez-moi. Sorti d'une léthargie. On vous fait gagner donc des t-shirts, on vous fait gagner des CD de Corrosive Element. Oui. Mais il faut venir le chercher. Ah oui, il faudra venir le chercher sur le festival. Du festival, sur le site du festival. Tout ce qu'on vous fait gagner ce soir, c'est. Donc en gros, c'est ouvert aux festivaliers. Oui, voilà. Tout à fait. Uniquement. Ou alors tu viens boire une bière et. Ouais, c'est peux, déjà ça. Tu peux venir boire une bière c'est et possible. Chercher ton CD. Ouais, c'est possible aussi. Hein c'est... Allez, on part en musique sur le Music Always Festival et on se retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission musique. Monsieur Tom. merci. Vous êtes toujours, donc je disais, Monsieur Tom, à l'écoute de Radio Biz et du Rock for Show. Et vous entendez en fond sonore Steel Square. Pourquoi Steel Square? Tout simplement parce qu'ils seront en concert très bientôt au Covent Garden. C'est le 18. Le 18 novembre, ils seront avec Silver Train et Sir Daria. L'album s'appelle Hard Rock and Roll, sorti chez Brennus en 2015. Et sachez que le groupe met deux CD à gagner au 06 81 01 28 34 et ce sera à retirer le soir du concert, bien sûr, lorsque vous aurez acheté votre place pour aller voir... De l'autre côté de la barrière. De l'autre côté, oui, du périph'. Donc ne les ratez pas, c'est au Covent Garden, c'est à Erani, hein, c'est ça ? Absolument. C'est Erani. Dans le 95. Voilà, c'est ça, 95. C'est la mafia là-bas, comme Sergi Pontoise, il y a plein de concerts tout le temps. C'est ça, donc Steel Square, ne les ratez pas, on en reparle la semaine prochaine, de toute façon. Nous allons revenir sur le Music Hawaii Festival en vous débriefant un petit peu ce qu'on a écouté. Donc on a écouté Folker, on a écouté Corrosive Elements et on a écouté Lurking. Et on va revenir sur... Dystopie, donc pour la petite histoire, donc c'est le groupe qui va donc ouvrir le fest. Donc c'est pas forcément en plus évident d'ouvrir un fest. Hein. Et ça va être, je crois, leur première grande scène, d'une certaine façon. Donc Dystopie, c'est un groupe yarrois, donc qui est sur le côté de Crone, donc la ville qui est limitrophe à la ville de Crone. Et ils sont à l'affiche parce qu'ils ont gagné le concours qui avait été organisé avec l'agglomération du Val d'Hier et puis la Sommusicoa. Et le but était d'ouvrir le fest avec un groupe local. Voilà. Donc c'est ce groupe qui, après discussion avec un petit collectif entre l'asso, l'agglomération et surtout la municipalité de Crone, qui a décidé de les faire jouer. Voilà, les faire jouer, tout à fait. C'est quel style ? On va dire du métal très moderne. Métal moderne. Très bien. Eh bien, on découvrira ça le 25 novembre. C'est à Crone 91. On vous rappelle l'ouverture des portes, c'est à midi. Le premier concert à 13h. Tout à fait. Hein, Dystopie. On va pas. Bah, tiens, on va aller. Hop, on y retourne. Dystopie. Ce sera suivi de Corrosive Element. Lurking. Corrosive Element. Folker. Oui. On remonte sur l'affiche Extrema. Non. Full Throttle Baby. Oui. Extrema. Tout à fait. Et après, Blazing War Machine. Oui. Et donc, forcément. Voilà. Prix des places. 16€ pré-vente, donc je vous engage à les prendre. Hein, ça, with Event. Voilà, With Event. Ou alors après sur place à 19 balles. Le site internet, enfin le Facebook, Music Hawaii. Voilà. Alors attention, ça s'écrit bizarrement, Music Hawaii. Attention. Ouais, M-U-S-I-K-O, tréma. Oui, tout à fait. Underscore. Oui. E-Y-E. Tout à fait. Ah. Voilà. Voilà, et vous allez donc sur la page de l'événement, vous allez sur la page Facebook. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Complètement. Mais au moins, ça se retient parce que c'est original. Nous allons continuer donc avec la suite de la première, à moins que vous ayez encore d'autres choses à nous dire sur le Music Hawaii Festival. Faut venir. Voilà. Très important. Viendez. Faut soutenir les opportunités locales. Puis après, c'est la trêve hivernale. Donc, c'est pas le dernier moment. C'est où... pas faux. Avant le petit Papa Noël. Exactement. Allez faire brûler les bûches. Exactement. Allez. On va continuer avec elle. Avant le PMFF. Ah non, merde, il n'y en a pas. Enfin, on va continuer. Pas. Arrête de retourner le couteau dans la plaie, toi, s'il te plaît. Sinon, tu vas finir l'émission surtout. Nous allons continuer la programmation musicale avec Igor, avec plein de R. C'est un groupe français. Oui, monsieur. Ils étaient au Hellfest, je crois, cette année. Ils viennent de sortir un album qui s'appelle Savage Sinusoid, sorti le 17 juin 2017 chez Metal Blade. Voilà, un groupe qui s'exporte. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Viande à table. Voilà, donc vous l'aurez compris, ils font tout dans la dentelle. C'est un groupe très avant-gardiste, c'est du métal expérimental, c'est franchement à découvrir. Moi, j'ai pas tout aimé, mais j'ai adoré pas mal de choses. Il y a un petit peu de balmusette qui se mélange à du grind, à du hardcore, à du death metal. Franchement, c'est à découvrir. L'album fait 11 titres. Le groupe s'est formé en 2005 et ils nous viennent de Paris. Ils seront en concert le 15. Le même jour qu'Halloween, quel dommage. à Paris, à la Maroquinerie. Donc, si vous n'êtes pas Halloween, bah, je vous enjoins à aller voir Igor. Nous continuons avec Lady Beast. Lady Beast tiré de leur album Vicious Breed. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir est très très bon. Ça s'appelle Seal the X. Ça sortira le 17 novembre chez Cruz del Sur Music. L'album contient 8 titres, c'est assez old school hein, comme musique. C'est une chanteuse, c'est un quintet heavy metal à voix féminine. Le groupe s'est formé en 2009 et ils nous viennent des États-Unis, de Pittsburgh exactement. Et nous clôturerons cette petite page musicale avec Seven Sisters qui seront en concert très prochainement avec Dreamcatcher. Et pas seulement, puisqu'il y aura également Silver Stage. Et ce sera où, mon cher Tom? Covent Garden, c'est pas ça? Covent Garden, exactement, à Erani. Et on a des places à faire gagner. Oui, deux places au 06. 81 01 28 34. Et le concert aura lieu, mon cher Tom, le... Laisse-moi deviner. Le 12. Voilà, le lendemain du Old Friends from Paris qui aura lieu au backstage. C'est dimanche. Voilà. C'est dimanche. Donc on en reparle tout à l'heure puisque on entendra en fond sonore le groupe Dreamcatcher. Pour l'instant, Seven Sisters donc qui ouvrira sur cette affiche. Avec l'album qui s'appelle British Steel. C'est pas un album, en fait, c'est une compilation. Et ils ont sorti un titre qui s'appelle Witch's Eye, un petit peu comme Music of Eye, hein. Et par contre, ils ont sorti un magnifique album qui a dû sortir, je crois, en 2017 ou 2016. Le groupe s'est formé en 2013, ils nous viennent du Royaume-Uni, de Londres exactement. On les écoute et on se retrouve tout de suite après. Musique, mon cher Tom. retour dans le Rock Floor Show en direct sur Radio Biz avec Tom et Phil. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Dreamcatcher, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Ils sont en concert le 12 novembre, c'est dimanche, à Erani, au Covent Garden, avec Seven Sisters, que vous venez d'entendre, et Silver Stage. Deux places pour vous, si vous nous appelez au 06 81 01 28 34. Là, maintenant, tout de suite, sans plus attendre. Vas-y, qu'est-ce que t'attends, merde. Vas-y, appelle. Alors, ce que l'on vient d'écouter, un petit peu de discipline, s'il vous plaît. Nous avons écouté donc Igor. J'espère que vous avez bien apprécié toute cette débauche d'expérimentation, on va dire, hein, d'expérimentation musicale et de métal, quand même. Lady Beast, tout de suite après, et enfin on vient de terminer avec Seven Sisters. Le temps qui nous est imparti va bientôt arriver à son terme, donc ça me laisse le temps de vous présenter un groupe français qui s'appelle Silou. Silou. Non. Silou, Sylvie. Bon d'accord, ok, je pensais à une petite vanne, mais non. Le morceau s'appelle Save Me, c'est tiré de leur album Motel, qui sortira le 15 décembre, donc on peut dire que c'est carrément une exclue. C'est une autoproduction, c'est le troisième album du groupe, il contient 13 titres. Ils nous viennent de Paris et ils nous font du rock mélodique. Sachez que la release party aura lieu donc le 15-12, ça sera au Dr. Feelgood des Halles. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, le groupe... Le 15-12 à 15-12. Oui, bah, comment ça? Le 15-12 à 15-12. À 15-12, 15h12. Ouais, d'accord, ok. T'as déjà vu des concerts à 15h12 au Dr. Feelgood? Si c'est pour me dire ça, Tom, tu gardes tes vannes à non, deux balles. Non, par contre, hein, je veux dire que Sidou, la chanteuse, elle s'appelle Lady Sidou, elle a vécu à Los Angeles. Voilà, ça c'est bien, ouais. Tom, ça c'est bien. C'est une connotation, enfin une influence américaine et un chant américain. Voilà. US. Ouais, rock US. Cold Web, hein. C'est bon, c'est du bagou, quoi. C'est du commercial à fond, quoi. Non, c'est pas du tout commercial, c'est très rock. C'est très rock. Et moi, j'ai bien craqué sur cet album. C'est un beau digipack, un beau packaging qui a été. On voit qu'ils ont pris le soin de proposer quelque chose qui ne fait pas que du bien aux oreilles, mais du bien aussi aux yeux. Bah, voilà, c'est ce que je dis, c'est commercial, hein, c'est la peinture. Allez, on terminera avec Conscience qui sera en concert avec Bumblefoot, Rontal, et également Thank You, Scientist. Alors ça, je connais pas encore, on va découvrir ça la semaine prochaine. Ils seront en concert le 20 novembre, ce sera au Petit Bain, et nous aurons des places à vous faire gagner la semaine prochaine. Pour l'instant, vous pouvez nous appeler au 06 81 01 28 34. Si vous voulez rafler des albums de Monsieur Rontal Bumblefoot. Donc Conscience, c'est tiré de leur album Aftermath of Summer Snow, qui était sorti en 2014. Le titre que l'on vous propose de découvrir ce soir est une version édite spécialement fournie pour le Rock for Show du morceau Room for One. On se retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission, parce que ça va toucher à sa fin. Musique, Monsieur Tom. Forget forever. If you could only feel what I feel, Voilà, il est temps de se quitter. Excusez-moi, c'est ma fangue qui a lourché. Ma langue a lourché. Bah, décidément, ce soir, ça va pas aller. Hein. Allez, c'est la fin de l'émission. C'est quoi une fangue? Une fangue qui lourche. C'est une langue qui fourche. C'est pareil. Voilà, vous venez d'écouter Conscience. On en reparle la semaine prochaine. Et ils seront en concert avec Bumblefoot, que vous entendez en fond sonore. Il est donc l'heure de dire au revoir à nos amis de Musico Why et également de Corrosive Element. Allez, on vous attend le 25. Allez, oui, tous le 25 à Kron. Yes. Hein, merci, merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mon cher Tom, je n'ai plus de micro. Si. Ouais, mais je m'entends plus, mais on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, merci. Là, tu te sens mieux. On se retrouve la semaine prochaine avec No Return dans les studios. Et... Voilà, encore du monde. Eh ouais, ouais, encore du monde. Non, mais là, il va falloir arrêter. Il va falloir qu'il se cotise. No Return qui vient de sortir un nouvel album. Et donc, on en parle la semaine prochaine. On vous laisse avec Bumblefoot. Et on vous souhaite à tous un bon Rock for Show. Restez rock! Restez chaud, restez rock for show. À la semaine prochaine, bye bye.